Alors moi je suis d'accord à toute dans la réflexion parce que je trouve que c'était tellement riche la présentation de David et j'espère pas devenir trop basique maintenant dans ce que je vais présenter. Du coup c'est pour ça que j'ai même pas de questions parce que ça travaille encore là-dedans, espace-temps, marxisme, nouvelles approches et tout. Mais on va voir, en même temps c'est intéressant de voir le parcours de David et le mien parce que finalement c'est ce que j'ai fait un peu en répondant à cette invitation pour laquelle je remercie encore beaucoup Yannick faire. Puisque ça me permet, il m'a demandé, il m'a bien aussi nous parler de ce premier livre, un peu de topographie, Topographies of Faith. Et je me suis dit, voilà, ça date. Effectivement, c'est un livre qu'on a sorti en 2013. Donc, en principe, je ne présente plus. Disons, donc, comme quoi le temps va vraiment très très vite aujourd'hui. Hein, c'est même pas si vieux que ça. Mais effectivement, c'est un livre qui a donné une certaine visibilité à certaines recherches qu'on fait, puisqu'on l'a fait notamment avec José Casanova, qui est assez important dans la sociologie des religions, et puis qu'on l'a fait en fait suite à un colloque de recherche qui a eu lieu à Berlin. J'étais aussi à Berlin à cette époque-là, d'ailleurs je fais un chapitre là-dedans sur un quartier de Berlin, et où on avait aussi observé ce qui se passait dans les Global Prayers. Donc c'est intéressant comment en fait les parcours de David et moi, on ne se connaissait pas, enfin, il y a eu beaucoup de, comme ça, de overlap, si je te reprends un peu le même style. Donc de chevauchement, croisement ou imbrication sans vraiment nécessairement se croiser. Mais c'est vrai que on a effectivement, comme le livre qui a circulé, un chapitre de Steven Lindbergh aussi dans ce livre. Donc on était inspiré visiblement par beaucoup de penseurs qui sont un peu dans les mêmes milieux, qui sont un peu dans les mêmes approches et qui sont dans cette grande axe, si on devait le mettre dans ces termes-là. Nous, on n'utilise pas le terme de post-sécularisation, mais clairement, ils ont une approche critique d'une lecture trop orthodoxe de la sécularisation, qui voit la ville comme l'emblème, finalement, de la sécularisation. Donc, la ville qui serait le lieu où, justement, le religieux n'est plus présent, parce que c'est là qu'il y a l'émancipation, hein, des effets du capitalisme, d'industrialisation, et tous ces grands processus. Donc là, on était assez sceptiques d'une lecture linéaire, tout en reconnaissant évidemment qu'il y a sécularisation aussi, c'est pas pour dire, et que la ville a un joué un rôle et elle est active dedans. Donc ce qui nous a intéressé dans ce livre-là, et je pense que José Casanova le montre très bien dans sa conclusion, et puis on a aussi beaucoup travaillé dans l'introduction, c'est en fait cette tension finalement qui existe tout le temps entre la ville comme lieu aussi de rencontre, de mixité, d'hybridité, donc d'innovation religieuse, donc d'émergence de nouvelles religions, de changements religieux, et de phénomènes sécularisés très forts, donc aussi d'une militance séculariste quelque part, donc une confrontation. Et c'est vrai que je me suis très vite en fait intéressée à des paradoxes visibles dans l'espace urbain, typiquement comme par exemple à Lausanne, c'est frappant, il y a la nouvelle mosquée, enfin la mosquée, la première mosquée qui a été vraiment ouverte en ville de Lausanne, et juste en face d'un cinéma pornographique historique de Lausanne. Le temple protestant qui héberge énormément d'autres activités à Genève et dans le quartier rouge, si on veut, de la ville. Enfin, il y a énormément de ce genre d'effervescence, finalement, du côté religieux, mais comme aussi du côté des activités sécularisées et une sorte de cohabitation qui n'est pas si conflictuelle que ça, qui se passe pragmatiquement, finalement, bien, ce qui l'a dit long sur qu'est-ce que font les religions dans les villes. Donc, ça, ce qui nous avait beaucoup intéressé, c'est ce genre de comprendre, en fait, de décrire et comprendre ce genre de phénomène dans les espaces urbains. Et c'est vrai qu'on avait fait notamment cette rencontre à Berlin avec Saskia Sassen, donc d'emblée, depuis le début, on est très fortement dans le paradigme aussi de la ville globale et donc l'effet de transnationalisation, donc le fait que même des communautés migrantes petites, de petite taille dans une ville, peuvent avoir toute une réalité grâce à la transnationalisation qui est ailleurs et qui n'est pas uniquement là ce qu'on observe. Donc ça, on l'a très vite intégré en fait dans nos réflexions. Et évidemment, on s'est inscrit très fortement dans ce qu'on appelait voilà, le spatial turn, donc le tournant d'une approche spatiale, qui a notamment aussi critiqué, avec aussi une approche un peu de science politique, critiqué ce nationalisme méthodologique, donc c'est-à-dire en sociologie de religion, il y a longtemps eu des propos du type les Français sont moins religieux que les Allemands, qui ont une pratique que les Espagnols, donc une sorte de vision à travers les statistiques ou des lunettes empiriques qui amenaient la nation finalement, où voilà, les politiques de la laïcité en France font que le catholicisme en France, il est comme ça, les politiques de la de la collaboration du modèle allemand font que Weimar, les territoires nationaux donnaient un peu la vue sur ce qui se passait du point de vue religieux. Et Saskia Sassen montre bien, et on a repris cette idée de dire ben, la ville est une entité, une échelle particulière. Elle a en partie l'indépendance par rapport à ce qui se passe dans la nation, et en partie elle est quand même liée et soumise à ça. Alors il y a plein d'exemples, voilà, qu'on peut voir. On a dans le livre, on a ne serait-ce que New York, là, ce qui se passe à New York, ce n'est pas comparable à ce que c'est le niveau des États-Unis. Et depuis le début aussi, là c'est juste quelques auteurs qui nous ont inspirés clairement, depuis le début, on a aussi été influencé par cette idée évidemment constructiviste du lieu-espace, de Certeau, Lefebvre, donc ces distinctions lieu-espace, c'est-à-dire qu'un lieu matériel, mais il y a aussi ce que l'on fait du lieu, évidemment, les pratiques notamment, qu'un lieu devient un espace, en fait, par la pratique qu'on donne, par les discours qu'on fait du lieu. Et très vite, ça nous a très bien plu, en fait, ces études, même si moi, je n'ai pas tellement directement travaillé sur les migrations, donc ça va, je vais vous amener aujourd'hui matin dans un autre terrain religieux, puisqu'on a eu deux présentations plutôt sur les pentecôtistes, là, je sors un peu de ces idées-là. Mais on a quand même été inspiré par cette idée du placemaking que met notamment en avant Keynote et Manuel Vasquez, c'est-à-dire l'idée que, en fait, notamment des groupes de la diaspora, des diasporas religieuses, ils ont observé de quelle manière, en fait, ces groupes, ces communautés religieuses font une conquête quelque part de l'espace à travers leur pratique corporelle, à travers l'inscription territoriale de leur pratique, en montrant que finalement, en étant sur place, c'est beaucoup les musulmans, mais aussi d'autres minorités, finalement, ils ont droit à avoir un espace. C'est beaucoup des luttes, finalement, pour la reconnaissance des lieux de culte, des luttes pour la visibilité aussi dans la ville. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est une belle approche, c'est un bel exercice de Note et Vasquez, où ils ont appliqué des idées constructivistes qui viennent aussi de la géographie marxiste à des phénomènes de religion, donc en montrant comment les communautés are making their place, donc ils font la place. Et on a quand même trouvé, nous, qu'on avait peut-être trop mis en avant uniquement l'immigration. Ça, c'est souvent un peu un problème, c'est que quand on regarde le religieux au sens large, on finit souvent à regarder que ce qui est le plus exotique, ou le plus marginal, le moins connu, beaucoup de sociologues travaillent d'abord là-dessus. Je n'ai pas mis dans le bon ordre, mais ce que petit à petit on a développé en regardant, nous, dans nos travaux, donc quand je dis nous, c'est parce qu'on a continué à travailler beaucoup en dialogue avec Marianne Portard, mais aussi une historienne qui s'appelle Malekia Lagorda, et aussi Margriera, qui est à Barcelone. On a en fait développé d'autres catégories. On s'est dit, si on prenait le territoire, si on se prend au sérieux, entre guillemets, dans le spatial term, et on ne regarde pas une religion, mais on regarde l'espace, on part de l'unité spatiale d'abord. Qu'est-ce qui se passe dans un espace donné? Quelles religions interviennent? Quelles pratiques religieuses interviennent ou pas? Donc on a renversé cette logique, et en voyant une espace, après ça dépend totalement comment on peut faire de la recherche, quelle est la taille de cet espace qu'on trouve en unité, parce que vous pouvez pas prendre New York en entier, évidemment. Donc des fois c'est des quartiers, des fois c'est des bouts de quartiers, quelques rues, comme les études de Hugo par exemple, quelques rues dans une énorme ville, ou ça peut être une ville entière. Alors moi j'ai fait quelques études et d'un quartier et que d'une ville entière, par exemple je travaillais sur un quartier de Berlin, mais j'ai travaillé sur toute la ville de Potsdam. Et en parallèle, on a aussi fait des cartographies des villes de Lausanne et de Genève en Suisse. Et en fait, en prenant la ville dans son entier, on voit que le placemaking n'était pas suffisant. On s'est dit, on a l'impression que les autres font rien. Les seuls qui bougent, qui font quelque chose avec l'espace, c'est les migrants, les nouveaux, diaspora. Et on a donc développé, en fait, on s'est dit, les autres communautés religieuses, même les plus traditionnelles, qui sont fortement touchées par la sécularisation, elles font des choses. Donc, et là, on a développé cette idée du... Ce qu'elles font, c'est qu'elles doivent maintenir leur place. C'est extrêmement important, parce que justement, il y a un côté du heritage, de la muséalisation. Donc souvent, c'est des symboles, des monumentaux, en fait, qu'ils représentent un pouvoir, une histoire, une tradition d'un lieu, tout en étant vide à l'intérieur. Donc voilà, qui maintient la grande cathédrale, un lieu ou l'autre. Et en fait, elles font énormément de choses pour montrer qu'elles sont légitimes à maintenir ça. par exemple, en invitant des concerts, en utilisant ces espaces pour autre chose. Maintenant, vous trouvez en Angleterre aussi beaucoup, dans les églises, vous trouvez des pubs, des fois, ou des... Oui, on a trouvé de la grimpe. En fait, la grimpe, c'est magnifique parce que c'est très haut, donc en fait, on peut très très bien faire la grimpe. Mais ça reste dehors une église ou un temple. Et c'est très important, et que la gestion reste quelque part dans les mains des traditions religieuses les plus importantes, pour montrer que même si on vide quelque part à l'intérieur, elles ont une légitimité historique, symbolique, de maintenir cette place en tant que visibilité religieuse, hein, catholique ou protestante ou quelconque. Donc on a beaucoup développé ce place-keeping. Et puis la troisième catégorie, c'est celle que je vais le plus développer aujourd'hui. Finalement, on a vu aussi que dans certains lieux de la ville, en fait, il y a des apparences comme ça religieuses, des pratiques religieuses qui sont éphémères, qui apparaissent à un moment donné, qui redisparaissent. Et tout. Et par exemple, les parcs urbains sont un peu ça. Et c'est typiquement ce qui se passe pour les nouvelles spiritualités, ou les spiritualités contemporaines, qui fonctionnent beaucoup plus en réseau, comme communauté, qui fonctionnent autour de certains rituels, de certains âges, de certains groupes sociaux, les femmes, les jeunes. Voilà, dans le néopaganisme, mais pas seulement, dans le New Age, mais pas seulement, dans les spiritualités du bien-être, comme le yoga ou le Reiki. Et en fait, on a vu qu'elles investissent beaucoup les parcs, par exemple. Donc, parallèlement à ça, j'ai de plus en plus développé, en fait, des études sur ces nouvelles spiritualités, en général, et j'ai vu qu'un lieu... un lieu politique et aussi thématique dans lequel elles sont très présentes, c'est l'écologie. Donc on a étudié plusieurs mouvements écologiques qui se trouvent, font aussi leur festival dans des parcs urbains. Et au cours de ces festivals, il y a énormément de pratiques spirituelles qui se passent. Donc il y a des tambours, des chamaniques, des danses de la spirale qui sont influencées par, je ne sais pas si vous connaissez Starhawk, les nouvelles sorcières, entre guillemets, les religions de la déesse, enfin, il y a toute une série de ritualités autour de ces nouvelles idées, comme ça, plus ou moins de nouvelles idées. Et c'est là que je vais, en fait, c'est là que j'arrive enfin sur ce que je pensais faire uniquement au début. Donc, vous parlez un peu de quelques projets qui tournent autour de la combinaison, en fait, de ces différentes idées que j'ai développées. Et comme souvent, quand je cherche, en fait, un peu une manière de prendre un peu de la distance de l'objet, parce qu'on a fait beaucoup d'observations empiriques, bah, je vais lire Foucault, tout bêtement. Et c'est vrai qu'en fait, Michel Foucault, dans Des espaces autres, Hétérotopie, dans cet essai de 1967, c'est vraiment intéressant, parce que là-bas, c'est un essai qui est souvent évoqué quand on parle de tournure spatiale, d'approche spatiale, avec Lefebvre, avec Michel de Certeau, avec d'autres. Et c'est vrai qu'il met en avant cette idée à quel point en fait, l'espace, la manière dont on a organisé l'espace, reproduit des idées des oppositions. Ben, on venait d'entendre l'exemple des routes. Hein, les routes, c'est le domaine public, comment le domaine privé, finalement, quel pouvoir a le public pour vraiment montrer que le domaine privé ne peut pas tout faire, par exemple, en refusant de construire des routes. Donc, il y a avec moi, l'espace donne une assise à ces oppositions-là. En général, donc ça m'a fait réfléchir à des questions d'opposition. Et évidemment, je ne suis pas la première ni la seule qui s'est inspirée de ce texte de Foucault. Je retrouve aussi l'auteur Kinnot, encore une fois, qui a beaucoup élaboré pour travailler sur des questions religieuses cette notion de Foucault, les hétérotopies. Avec une approche, encore une fois, constructiviste, en disant un lieu n'est pas juste un espace, n'est pas juste une pratique, voilà une approche de l'espace, mais un lieu a une extension plus large, temporelle d'une part, parce qu'il existe par l'histoire, il a une histoire avant même qu'on mette les pieds dans un lieu, ce lieu existe, parce qu'on raconte, parce qu'il représente, mais souvent il est aussi associé à des lieux de même type ailleurs. Alors, c'est vrai que les parcs, on fait souvent les associations. Ah, le parc de Paris, je ne sais pas quoi, c'est pas le parc de Central Park de Manhattan, c'est pas un autre parc. Donc, en fait, c'est vrai que beaucoup de ces lieux-là, des parcs urbains, ont toute une histoire, un très importante locale, mais aussi une extension. Donc, en cherchant avec ces différentes idées-là des mouvements écologiques, les nouvelles spiritualités qui s'y développent et les discours qu'on entend dans ces pratiques d'une nouvelle spiritualité, par rapport à la ville et l'écologie, ben, on trouve effectivement une grande opposition. Et là, on revient un peu à la racine aussi des questions de la sécularisation. On entend beaucoup cette idée quand même de, quelque part, changer le récit de la ville coupable. C'est-à-dire la ville coupable du désastre écologique qu'on est en train de vivre. Donc la ville, et c'est vrai qu'il y a une grande littérature presque urbanophobe qui voit dans la ville le pire ennemi en fait, de la nature. La ville qui a été en fait la plus belle, vous voyez des cartes, là où on dépense d'énergie la plus importante, un gaspillage et tout, c'est dans les villes. La ville est voilà, le lieu qui crée la pollution. La ville, c'est le lieu qui tue la biodiversité. La ville, c'est le lieu qui voilà, enlève en fait l'espace pour les animaux. La ville a été très longtemps en fait, par les écologues, vue comme le pire ennemi, quelque part, de la nature, du développement écologique. Les discours s'appuient sur plein de registres. Il y a aussi un registre religieux qui commence avec saint Augustin même. Donc la cité de Dieu et la ville, enfin, une idée que la ville terrestre est pas bien quelque part, et puis il y a une autre ville à laquelle on doit aspirer, qui peut être en fait plus authentique, plus vraie. Et on peut reparcourir l'histoire de différents parcs naturels avec cette lecture-là. Il y a des parcs naturels. Mais là, il y a des traditions différentes. Aux États-Unis, ce n'est pas comme en Europe, mais les grands parcs naturels aux États-Unis ben, sont très loin des villes. Et tout ce qui ressemblerait à une installation urbaine est totalement interdit dans ces parcs-là. On les sort vraiment du contexte urbain. Et donc, quelque part, créer un parc dans une ville. Et par la manière dont les gens sont présents et font leurs pratiques spirituelles dans ces parcs, m'a fait penser très fortement à cette idée-là de Foucault. Et je vous amène une des citations clés, à mon avis, dans ce texte-là, de penser en fait le parc urbain, d'une part, comme une hétérotopie, dans le sens où il est ce que la ville n'est pas, il est la nature en ville, donc en fait. Il donne un effet de nature en ville, mais ce n'est pas vraiment la ville, donc il y a toute une action sur le miroir. Et en plus, en ayant me demandé, mais quelles pratiques précisément religieuses se passent en fait en ville, bah, même ces pratiques religieuses qui se passent en ville sont souvent elles-mêmes marginales. Je ne sais pas ce que c'était. Tu veux avoir une... À moi, je pense. D'accord. Alors, c'est d'accord. Donc effectivement, les villes hébergent dans les parcs des pratiques qui elles-mêmes sont aussi quelque part hétérotopiques. Mais donc, qu'est-ce que veut dire hétérotopique ? Cette histoire de miroir, c'est un peu complexe. C'est quelque part quelque chose qui est associé à l'idée de la déviation. C'est des pratiques déviantes quelque part, qui ne sont pas les pratiques les plus centrales dans les traditions ou dans les religions. Elles sont différentes par rapport à la norme ou à la moyenne. Et c'est vrai que si je revois mes différents terrains dans cette lecture-là, bah je trouve beaucoup de parcs que j'ai visités ou j'ai analysés. Par exemple, ça c'est un des parcs, il y a énormément de parcs dans la ville de Potsdam, à côté de Berlin. Et effectivement, il y a les pyramides en fait, des intérêts ésotériques d'un des princes à ce moment-là qui sont dans ce parc-là. Donc les parcs sont souvent en fait, effectivement, aussi le lieu où on amène des symboles, où les puissants peuvent exprimer des intérêts autres qui ne sont pas tout à fait reconnus par les traditions religieuses dominantes en place. Et aujourd'hui, ce parc-là, par exemple, est fortement utilisé par un certain type de yoga, c'est un yoga spirituel, tout en devant chaque fois négocier avec les gens s'ils ont droit ou pas de rester dans ce parc. Parce qu'en principe, c'est aussi considéré comme c'est UNESCO, c'est protégé par l'UNESCO, tout ce parc-là, donc on ne peut pas faire du yoga étrange avec des exercices de respiration, mais les gens y vont à certaines heures, à certains endroits, on reste un petit peu invisible, mais c'est quand même utilisé. Et l'espace est marqué par un passé déjà quelque part de déviance religieuse. Après, c'est intéressant, dans la même ville de Potsdam, et Foucault, il y a des choses intéressantes qui se passent dans le jardin botanique. Foucault a même lui dit qu'en fait un très meilleur exemple pour ces hétérotopies est le jardin. Il fait toute une série d'exemples à ce niveau-là. Et effectivement, ce que je disais avant de Saskia Sassen, de la nation et la ville, très rapidement, cet exemple de la mosquée. Donc, Potsdam est une ville est-allemande, si vous voulez, avec très peu de musulmans, il n'y en a vraiment pas beaucoup, qui avait un petit appartement, comme souvent on peut, rez-de-chaussée d'un immeuble moderne, périurbain quelque part, et qui, avec l'ouverture des frontières, enfin, de Merkel, un certain accueil plus important à un moment donné, 1914-15, a vu tout d'un coup un accroissement très important. Et ces musulmans ont commencé, qui travaillent là ou autre, à investir, comme ça se passe dans d'autres cas aussi, durant les prières, les trottoirs, les espaces en dehors. Ce qui a créé une polémique. Maintenant, en général, la ville, au niveau de la région, parce que c'est une fédération, l'Allemagne n'a qu'une compétence en matière religieuse, juridiquement. Elle ne peut pas faire, elle ne peut pas leur donner un espace en tant que tel, aux musulmans, aussi longtemps que le groupe n'est pas reconnu par l'État. Donc en principe, l'action est influencée par la régulation, les jurisprudences nationales. Mais qu'est-ce que va faire l'État? Elle va dire, c'est une question de sécurité, la ville de Potsdam, c'est pas sûr que les gens se mettent par terre sur les trottoirs. Donc pour la sécurité, ils ont un énorme budget. Alors ils ont pu donner aux musulmans les grandes salles de jardin botanique pour prier dedans. Effectivement, ça coûte très cher parce qu'il faut louer là durant plusieurs heures et fermer au public, etc. Tout en donnant toute une image très exotique, en fait, de la pratique musulmane, quand les musulmans n'ont pas du tout ni demandé ça, ni autre. Donc, c'est aussi intéressant comment, en fait, quelque part, avec un coup comme ça, magique, un peu esthétisant, finalement, ils ont réussi à peser la situation. Et j'ai trouvé aussi intéressant, voilà, qu'effectivement, les jardins botaniques, si on regarde de plus près, ont souvent, quelque part, une place particulière dans la ville et dans le régime urbain. Ben, il y a d'autres cas aussi, on a vu qu'effectivement, par exemple, l'église orthodoxe, une des premières églises, vous savez qu'il y a eu l'édit de tolérance à Potsdam même, donc c'est assez ancien, comme 17e siècle, 18e siècle, on a déjà en fait intégré l'idée qu'on peut avoir différentes religions reconnues quelque part, puisqu'on avait besoin de soldats, peut-être tout bêtement en fait, c'était là où on avait les soldats, donc il y avait beaucoup de soldats qui venaient de l'Est, donc très tôt en fait on a créé une église orthodoxe, et elle est au milieu du parc. Aussi, encore une fois, la mise au milieu du parc, ça devient un lieu aussi où on va se balader, elle est très petite, quand il y a des célébrations, les gens sont plus dehors que dedans. Comme vous savez, sur les orthodoxes, on passe des heures et des heures en fait à prier, donc il y a des gens qui sortent, qui entrent, qui donnent toute une autre ambiance très en fait naturelle à ce qui se passe. Et c'est intéressant parce qu'en Allemagne et par d'autres endroits aussi, effectivement, il y a certaines fêtes dans le calendrier religieux catholique même qui se passent dans les parcs ou dans des bois juste à côté de la ville. Et c'est notamment, je ne sais pas si vous avez déjà vu, la procession et les célébrations du Corpus Domini, qui est en fait une fête, disons, qui est vraiment catholique. Vraiment dans le calendrier catholique, c'est une fête de doctrine, quelque part, autour de l'Eucharistie, et qui marque une distance par rapport aux protestants, très importante. Et donc, quelque part, elle se fait aussi en dehors, un petit peu en dehors de l'espace urbain, dans le cadre de la nature. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans cette tradition un petit peu d'utiliser la nature en ville, donc les parcs, comme un lieu où une autre manière, une autre religion, une autre spiritualité peut se mettre en place, on la retrouve beaucoup justement dans ces festivals écologiques. Et nous, on a étudié deux festivals écologiques de manière approfondie, un à Lausanne, justement à Genève, qui s'appelle, ça c'est des photos de Genève, Alternativa, qui est en fait un festival écologique inspiré par le festival français, vous connaissez peut-être qu'il est né à Bayonne, voilà, mais qui maintenant a une certaine importance, à chaque fois c'est 30 000 visiteurs, festivaliers, et un festival de la terre à Lausanne, qui les deux, leur caractéristique, c'est qu'ils sont plein centre-ville, mais dans des parcs, et ils sont accessibles, il n'y a pas d'entrée, c'est gratuit, donc tout le monde peut entrer et sortir, et on a, si on fait attention un peu, énormément de spirituel qui se passe là-dedans. Vous pouvez faire des séances de méditation heartfulness, vous pouvez faire des discussions sur la transition intérieure, à côté de la transition énergétique. Vous avez du yoga du rire, de la communication non violente, des danses de la spirale, comme je dis avant. C'est une entrée en fait dans un monde. On entre en commençant peut-être par boire une bière ou faire un tour, se renseigner sur le dernier recyclage possible des objets, et on finit peut-être la soirée avec un voyage chamanique en cherchant son propre totem. Donc c'est très fluide en fait. Et c'est vrai que c'est uniquement en approchant en fait ces événements-là par une approche spatiale. Donc, qu'est-ce que cet espace est? Qu'est-ce qu'il a été? Comment concrètement en fait, on fait une rupture? Comment tout d'un coup cet espace, je ne viens plus me poser dans le gazon pour boire une bière avec mes quatre copains, mais tout d'un coup j'ai une autre attitude. Comment petit à petit en fait, les gens sont amenés à ça? C'est vraiment une mise en scène. En fait. On a montré dans quelques textes, vraiment staging, comme on dit ça, vraiment d'une scène, quelque part presque comme au théâtre, où on est amené à adopter un certain langage, une certaine vision. Énormément de liens entre donc, le corps, donc beaucoup d'offres sur le bien-être corporel des gens, mais en parallèle, enfin mis en parallèle avec le bien-être quelque part de la planète. Donc là, une analogie constante entre on fait du mal au monde, à l'écologie, à la nature, c'est indirectement parce qu'on se fait mal nous, si on se fait du bien, on ferait du bien aussi aux autres, enfin, et donc au monde. Donc voilà. Et pour refaire le lien entre cette idée de la ville et comment, si la ville est séculière quelque part, si la ville est le lieu voilà, qui pollue, cette nature, elle prend vite effectivement une certaine vision un peu de sacralité. Donc la nature devient un peu une entité sacrée. On parle aussi beaucoup de géodicée. Maintenant, c'est une nouvelle idée de se mettre en péril au point où on dit comme des personnes qui se lancent de je ne sais pas où, qui vont faire des plongées ou des choses avec extrêmes, dans les sports extrêmes, dans la nature, de se dire ben, c'est la nature qui décide si je vais survivre ou pas. On laisse le jugement à la nature. Puisqu'on doit reconnaître la sacralité aujourd'hui de la nature. Et en fait, il y a énormément de différentes idées autour de cette nature. Et on les retrouve dans des pratiques dans les parcs. Effectivement, pour nous, c'était important à un moment donné de faire un peu de l'ordre, de dire ben, toutes ces différentes pratiques spirituelles, leur rapport à l'espace, à la nature et à la ville, ne sont pas exactement les mêmes, ce que fait un néo-chaman, il y a du chamanisme queer, il y a plein de choses autour de la déesse. Alors on essaie de faire un peu d'ordre en prenant les approches qu'ont développées notamment des géographes en disant il y a différentes conceptions de la nature qui se reflètent dans la manière dont les villes organisent leurs parcs. Une première conception est peut-être une conception défensive, c'est-à-dire la nature, il faut la protéger. Il faut que la nature se défende de la ville. Donc là, les offres spirituelles reflètent beaucoup cette idée-là quand elles vont vous dire « Venez faire ça pour vous échapper de la ville. » Là, par exemple, on a des pratiques de yoga sur le lac. Et le discours qui l'accompagne, c'est vraiment « échapper de la ville ». Donc, commencer par là et après, la prochaine rencontre, si possible, c'est dehors. Donc, il faut protéger la nature de la ville et essayer d'appeler les moins d'influence possible. Beaucoup de types de religions comme la Dark Green Religion, c'est un Californien, Brent Taylor, qui l'a développé, mais aussi certaines approches de l'éco-psychologie, RNS par exemple, sont beaucoup là-dedans, vraiment dans une vision un peu, comment dire, diabolisante, effectivement, de la ville. Et la nature, il faut la protéger. Après, il y a l'autre conception qui est la conception intégrée. Et ça, on le voit plus dans la manière dont beaucoup de parcs urbains commencent à proposer aux voisins, enfin dans le voisinage, de collaborer dans le jardinage. Et souvent, il y a quand même certaines notions un peu spirituelles du Gaïa ou de ce genre Pachamama, etc., en faisant référence à d'autres réalités. Mais là, l'idée, c'est vraiment, on va pas essayer de protéger la nature, on va accepter qu'on est partie de la nature. Et qu'en fait, il y a un continuum entre nature et culture, entre nature et ville. Et donc, en fait, on crée une conception intégrée. Et cette idée-là, elle est très présente chez le néopaganisme, en fait, chez certaines spiritualités néopaïennes. Starhawk, par exemple, elle parle beaucoup en général, par exemple, de la saleté, l'importance de la saleté. D'une part, en faisant le lien, comment on gère la saleté dans les villes, mais aussi comment associe la saleté à ce qui est naturel, à la terre, à avoir les mains sales de la terre. Donc là, une idée de dire, ben, nous sommes partie de la nature, et des pratiques, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a de plus en plus de pratiques sur que faire d'un corps quand il décède, et l'humusification, voilà, par exemple, c'est ça. Et devient de plus en plus importante. Les gens veulent se faire humusifier, donc devenir terre à nouveau. Et derrière ça, il y a cette conception d'une part un peu spirituelle de ce qui est la nature, mais aussi de soi-même. Donc on fait partie, hein, on fait partie de la nature. Et je pense qu'on peut, ça nous donne un peu une idée sur comment mieux distinguer la spécificité des différentes spiritualités. Et la troisième et dernière manière, c'est par contre une conception utilitaire qu'on retrouve dans quelques planifications urbanistes, comme ça, de parcs, où en fait on fait un parc parce que dans ce quartier, les habitants ont besoin de quelques arbres. Donc on a besoin d'un peu d'oiseaux, on a besoin d'un peu d'un petit étang, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, on a besoin de ça, donc voilà, c'est la nature, on la met vraiment en utilité à nous. Et c'est vrai que dans beaucoup de discours qui sont plutôt teintés de New Age, si on veut, on a cette même idée, hein, de finalement utiliser la nature pour ce que moi j'en ai, pourquoi j'ai besoin. Juste un exemple, vous avez là par exemple un livre aussi, qui est le même que j'ai mis là. Donc là, ça c'est on a interviewé les auteurs de ce livre, et voilà, ils avaient un stand au Festival de la Terre. Alors, spécialiste des esprits de la nature, géobiologue, thérapeute énergétique et magicien, par exemple. Ce monsieur, il vous offre, ce livre se vend beaucoup quand même en Suisse romande, et des gens qui participent aux ateliers ne sont pas du tout des farfelus, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, c'est des gens, et qui en fait vont avec lui se balader dans les parcs, parce que lui, il a recensé dans ce livre, déjà dans tous les parcs de Suisse romande pratiquement, quel esprit est sous quel arbre, ou à côté de quel rocher, etc. Donc il sait, vous avez... Et puis les esprits, c'est pas... c'est toujours des associations. Ça peut être Pikachu, à un moment donné, comme ça peut être l'archange Gabriel, un autre, ou ça peut être un autre maître ascensionné. Donc, effectivement, on essaie de trouver une cohérence, mais pourquoi tout d'un coup c'est la fée méchante ou la fée gentille et tout. C'est extrêmement subjectif, c'est extrêmement émotionnel, c'est une vibration, donc c'est une perception vibratoire, il va dire, ça. Et au fond, on se rend compte que là, l'importance n'est pas du tout l'arbre en question, parce qu'il ne sait même pas de quel arbre il s'agit, quelles sont les problématiques de l'arbre en question, est-ce qu'il faut le couper, est-ce qu'il est en danger l'arbre, ou est-ce qu'il y a d'autres arbres de ce type, quelle date, enfin, on n'apprend rien, en principe, sur les arbres, biologiquement, on n'apprend pas non plus, par exemple, ne serait-ce que ça, que d'un point de vue des biologistes, ça fait très peu de sens d'attribuer une individualité à un arbre. C'est-à-dire qu'un arbre est une partie d'un géosystème, enfin, il faut voir peut-être où on a des frontières. Déjà par la manière même d'agir, de communiquer, de fonctionner en fait de ces végétaux. Donc c'est tout à fait une projection pour soi, donc c'est vraiment dans l'utilité de, comme moi j'ai besoin en fait de vivre cette spiritualité, et j'ai besoin de ces esprits sous cet arbre-là. Après il y a une base certainement de vécu, d'expérience, etc. Mais j'ai trouvé intéressant qu'on peut effectivement chercher dans ces nouvelles spiritualités, quand elles se produisent notamment dans la nature urbaine, la même représentation que les urbanistes, planification urbaniste, ont eu par rapport à quel est le rôle de la nature, par rapport à la ville, par rapport aux humains, à l'humanité culturelle, etc. Donc moi je vais déjà conclure, je n'avais pas pris très longtemps, donc on n'est pas. Et effectivement, l'idée de ce projet, donc là, on a fait ces analyses de festival, mais on est en train de rédiger un projet plus large. On choisit encore mieux quel parc adopter, parce qu'on veut garder cette approche par l'unité spatiale et pas uniquement par les religions. Mais peut-être la croiser en disant, on prend quand même un événement religieux qui se passe dans la nature, et puis on prend quelques espaces qui ont une spécificité ou quelque chose d'intéressant, et puis on croise, et ça, c'est le projet. Parce qu'il nous semble quand même qu'il y a une sorte d'attention croissante et effectivement de pratiques, de nouvelles spiritualités qui se font de plus en plus dans les parcs urbains. Et c'est vrai que, pour autant que toutes ces spiritualités affirment fortement leur caractère éphémère, leur nature très floue finalement, fluide aussi si on prend pour Bauman, mais en même temps, si les espaces n'existaient pas, s'ils n'avaient pas lieu dans ces festivals, elles n'existeraient pas publiquement. Donc elles resteraient purement du domaine privé. Donc l'espace fait vraiment aussi exister. Donc on a vraiment besoin dans l'approche spatiale, c'est pas juste un luxe pour mieux comprendre les choses, c'est que l'espace est un acteur à toute la part entière en fait de ces nouvelles spiritualités. Elles n'existeraient pas sinon, elles auraient tout un autre sens, ou pas de sens même, si elles étaient pratiquées toutes seules dans un coin, etc. Voilà.